qui de la débauche, elles sont les princesses. Car elles savent faire le why en guise de bienvenue. Les princesses, princesses prédestinées pour des soldats perdus. Princesse prédestinée pour des soldats perdus. Allez au Sabayan, ouais, y'a pas de réfractaire. Tous les anciens des Halles, ils sont tous volontaires. A commencer par Conduit et par Patou et Crew. Mais une fois qu'ils sont là-bas, ils vont devenir fous à cause des princesses. Princesse, car elles savent faire le why en guise de bienvenue. Les princesses, princesse prédestinée pour des soldats perdus. ซอยสุขุมวิท 31